Chapitre 12e. Il resta donc à Brookfield en ayant aussi peu à faire que possible avec Ralston. En 1911, celui-ci partit pour améliorer sa situation. On lui offrait la direction d'une des grandes écoles secondaires anglaises. Son successeur était un nommé Chatteris, que Chips aimait bien. Il était encore plus jeune que Ralston à son arrivée à Brookfield, 34 ans. Il passait pour un garçon très brillant. En tout cas, il était moderne, lauréat en sciences naturelles, aimable et sympathique. Reconnaissant que Chips était une autorité à Brookfield, il eut la courtoisie et la sagesse d'accepter la situation. En 1913, Chips, atteint d'une bronchite, ne put faire son service pendant presque tout le trimestre d'hiver. C'est ce qui le décida à prendre sa retraite cet été-là, à 65 ans. Après tout, c'était bien l'âge de s'y résoudre. Et les paroles sans aménagement de Ralston avaient en un sens fait leur effet. Il sentait qu'il ne serait pas bien de se cramponner s'il ne pouvait pas remplir convenablement sa tâche. D'ailleurs, il ne se séparerait pas complètement de son cher Brookfield. Il logerait de l'autre côté de la route, chez l'excellente Madame Wickett, qui avait été autrefois chargée de la lingerie. Il pourrait entrer à l'école chaque fois qu'il en aurait envie, et jusqu'à un certain point en faire encore partie. Au dernier dîner de fin de trimestre, en juillet 1913, on fit des adieux à Chips, qui prononça un discours, pas bien long, mais qui comptait un bon nombre de plaisanteries, et les rires qui l'interrompirent en doublèrent à peu près la durée. Il contenait plusieurs citations latines, ainsi qu'une allusion au capitaine de l'école, qui, disait Chips, s'était rendu coupable d'exagération en parlant des services rendus à Brookfield par lui, Chips. Mais c'est qu'il appartient à une famille qui aime à exagérer. Je me souviens d'avoir eu un jour à corriger son père à cause de cela. Rire. Je lui avais donné la note 1 pour une version latine et lui avait exagéré en la transformant en un 7. Grands éclats de rire et bruyantes acclamations. Un mot bien typique de Chips, pensait chacun. Il déclara ensuite qu'il était resté 42 ans à Brookfield et qu'il y avait été très heureux. Ça a été toute ma vie, dit-il avec simplicité. O mi prateritos referat si Jupiter anos. Oh, si Jupiter me rendait les années passées. Bien entendu, je n'ai pas besoin de traduire. En fait, c'était du Virgile. Rire prolongé. Je me rappelle bien des changements à Brookfield. Je me souviens de la première bicyclette. Je me rappelle le temps où il n'y avait ni gaz, ni lumière électrique, et où nous avions parmi les domestiques un garçon nommé le lampiste, qui ne faisait que nettoyer, garnir et allumer les lampes dans toute l'école. Je me rappelle l'année où il gela dur pendant 7 semaines du trimestre d'hiver. Il n'y avait pas de jeu possible et l'école entière apprit à patiner sur les étangs. C'était en 1880 et quelques. Je me souviens d'une année où les 2/3 des élèves eurent la rougeole et où le grand hall fut transformé en salle d'hôpital. Et je me rappelle le superbe feu de joie que nous avons fait le soir de Makefing. On l'avait allumé trop près du pavillon et il fallut envoyer chercher les pompiers pour l'éteindre. Ceux-ci étaient en train de célébrer la victoire à leur façon et la plupart d'entre eux étaient dans un triste état, rire. Je me souviens de Mademoiselle Brühl, dont on voit encore la photographie dans la boutique du pâtissier. Elle y a servi jusqu'au jour où un oncle d'Australie lui a laissé beaucoup d'argent. En somme, j'ai tant de souvenirs que je pense souvent que je devrais écrire un livre. Mais quel titre devrais-je lui donner? Mémoire de la férule des fins sommes, hein? Dans l'original, Memories of Road and Lines. Un jeu de mots intraduisible. Clameur et rire. Elle était bien bonne, celle-là, se disait-on, une des meilleures de Chips. Eh bien, oui, je l'écrirai peut-être un jour, mais j'aime mieux vous en raconter le sujet sûrement. Je me rappelle, mais surtout je me rappelle tous les visages. Je ne les oublie jamais. J'ai des milliers de figures dans ma mémoire, des figures de garçons. Si vous venez encore me voir dans l'avenir, comme j'espère que vous le ferez tous, j'essaierai de me souvenir des visages plus âgés que vous aurez alors. Mais il est bien possible que j'en sois incapable, et alors un jour vous me rencontrerez quelque part, je ne vous reconnaîtrai pas et vous vous direz « Ce bon vieux ne se souvient pas de moi. » Rire. Mais je me souviens de vous tel que vous êtes actuellement. Voilà la chose. Dans mon esprit, vous ne grandissez jamais. Pas du tout, jamais. Quelquefois, par exemple, lorsqu'on me parle de notre honorable président du conseil d'administration, je pense tout seul. Ah oui, un gentil petit bonhomme, avec des cheveux hérissés, qui n'avait pas la moindre idée de la différence qu'il y a entre un supin et un gérondif. Rire bruyant. Mais voyons, il ne faut pas que je continue toute la soirée. Pensez à moi quelquefois, comme je penserai certainement à vous. Ohé, Colim, méminissé jouvabit. Ces souvenirs feront un jour ma joie. Je n'ai pas besoin de traduire, c'était encore du Virgile. Éclats de rire prolongés et cris et acclamations sans fin. En août 1913, Chips alla faire une cure à Wiesbaden, où il fut l'hôte du professeur d'allemand de Brockfield, Herr Staffel, avec lequel il s'était lié d'amitié. Staffel avait 30 ans de moins que lui, mais ils s'entendaient parfaitement tous les deux. En septembre, à la rentrée de l'école, Chips revint habiter chez Madame Wickett. Il se sentait beaucoup plus fort et plus dispos après ses vacances, et regrettait presque d'avoir pris sa retraite. Néanmoins, il avait largement de quoi s'occuper. Il recevait tous les nouveaux élèves et leur offrait le thé et assistait à tous les matchs importants sur les terrains de Brockfield. Une fois par trimestre, il dînait avec le directeur et une autre fois avec les professeurs. Il entreprit de préparer et de faire publier un nouvel annuaire de Brockfield. Il accepta la présidence du club des anciens élèves et alla assister au dîner à Londres. Oui, il était très occupé, très heureux aussi. Un an plus tard, il prit encore part au dîner de fin de trimestre. On parlait beaucoup de guerre. Guerre civile dans l'Ulster et difficultés entre l'Autriche et la Serbie. Herr Staffel, qui partait le lendemain pour l'Allemagne, dit à Chips qu'à son avis, l'affaire des Balkans n'aurait qu'une conséquence sérieuse.